si on veut qu'il y ait plus de conscience collectivement, ben, il va falloir souffrir plus que ça. Il va falloir que ça soit pire encore. C'est de valeur, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Je le sais que c'est pas le fun, puis que ça a l'air paradoxal. Mais c'est comme ça. C'est comme les instances qui gouvernent réellement le monde, il va falloir les subir encore plus pour qu'on se rende compte. Parce qu'il n'y a pas juste les Occidentaux, il n'y a pas juste nous. Il va falloir que tout le monde en souffre. Tout le monde sur la planète. Puis, il va falloir que ce soit extrêmement dur, puis que ce soit extrêmement souffrant, puis il y a beaucoup de monde qui s'en sortiront pas. Il va y avoir de plus en plus de dépressions, de drames familiaux, de suicides, de meurtres. Il va y en avoir de plus en plus. Puis tout ça, ben, c'est des mécaniques inhumaines. Pourquoi? Parce que les forces dans l'invisible sont pas humaines. Puis l'évolutionnaire, les choses évoluent dans le traumatisme. Qu'est-ce que vous voulez que... Bon.